Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à FrenchPod. Je suis en compagnie de Marion. Bonjour. Alors aujourd'hui, une nouvelle leçon de niveau avancé qui s'appelle restrictions budgétaires. Qui est un sujet qui est tout à fait d'actualité en ce moment. Exactement. En ces temps de crise économique. Ouais, on en entend beaucoup parler. Donc on va se retrouver dans le monde de l'entreprise et on aura une conversation entre deux dirigeants. Tout à fait. Donc sans plus attendre, on les rejoint et on écoute ce dialogue. On peut savoir ce que tu fais à bailler aux corneilles? Remue-toi un peu, on a du pain sur la planche. Eh, hey, pourquoi tu me brusques comme ça? Je faisais simplement une petite sieste digestive. Si tu savais tout ce que je me suis enfilé pendant le déjeuner d'affaires... Justement, parlons-en. J'ai l'impression que tu t'en donnes à cœur joie avec les notes de frais. Tu peux m'expliquer la facture de 4 689 € du mois dernier? Oh là là, ne commence pas à mégoter. Si tu veux conquérir de nouveaux clients, il faut y mettre le prix. Leur en mettre plein la vue. Et je ne vais pas descendre dans n'importe quel trois rats. Il y a une différence entre un hôtel respectable et la suite royale du Hilton. Petit déjeuner pour deux, champagne, cela faisait partie également de tes attributions? Un petit extra, c'est tout. Que veux-tu que j'y fasse? Mes clients ont insisté pour m'offrir ce petit cadeau. Je ne pouvais pas refuser. En attendant, la compagnie est au bord de la faillite. Et on avait validé ensemble une nouvelle ligne de restrictions budgétaires. Tu sembles avoir la mémoire courte. Je suis le patron et je fais ce que je veux. Si quelqu'un y trouve à redire... Qu'ils prennent la porte, je ne le retiendrai pas. Il ne manque pas d'air. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je reste l'actionnaire majoritaire de cette société. Et les décisions finales m'appartiennent toujours. Reprends-toi en main, c'est mon dernier avertissement. On croit rêver. J'ai ma part de responsabilité dans la réussite de certains grands projets ici. La fusion-acquisition avec le groupe Mirlor, l'appel de fonds qui a permis de lever plus d'1 million pour le chantier en Normandie. Tu n'as fait qu'achever un travail de longue haleine préparé depuis longtemps par nos collaborateurs. Ne t'octroie pas le mérite du travail des autres, même si tu as également fait du bon boulot, je te l'accorde. Tâche d'y réfléchir et de continuer comme ça, au lieu de tout gâcher comme cela a été le cas dernièrement. Je te vois demain matin à 9h pour un point sur notre nouvelle stratégie marketing. Ok papa, compris. À demain. Voilà, ça aide d'avoir son père dans le métier parfois. Ouais. Le patron, en français on dit c'est les fils à papa. Qui sont pistonnés. Mais nous nous arrêtons là, ça ne nous regarde pas. On va plutôt reprendre, on va reprendre ce dialogue puisqu'il est très riche, il y a énormément de choses à voir ici. Donc on a le père qui attrape son fils, qui ne fait pas grand chose on dirait. Apparemment non, oui, puisqu'il baille aux corneilles. Oui, bailler aux corneilles, une expression... Qui veut dire rêvasser. Voilà, ouais. Et rêvasser, c'est quand on perd son temps, ça vient du verbe rêver. Ça veut un peu dire rêver, éveillé. C'est un peu péjoratif. Exactement, oui. Ouais. Ça veut dire qu'on ne fait pas grand-chose alors qu'on est en train d'accomplir quelque chose. Oui, surtout quand on a du pain sur la planche. Oui. On a notre deuxième expression ici, avoir du pain sur la planche. Là, l'explication est très simple, ça veut dire avoir beaucoup de travail. Voilà. Mais donc le fils n'a pas trop envie d'être dérangé par son père, il ne voit pas pourquoi il lui parle comme ça, et il lui dit « pourquoi tu me brusques comme ça ?» Et donc brusquer, c'est interpeller quelqu'un de manière vive. Oui, il est un peu agressif. Exactement, oui. C'est demander à quelqu'un de se hâter, de se dépêcher, alors qu'il n'en a pas vraiment envie, que la personne ne comprend pas pourquoi. Voilà. Et sa raison, pour ne pas être brusqué, pour ne pas être dérangé, est qu'il faisait une petite sieste digestive. Généralement, c'est la sieste qu'on fait après un bon déjeuner. Et qui facilite la digestion. Et le pauvre, il explique, il dit « Si tu savais tout ce que je me suis enfilé pendant le déjeuner d'affaires. » Le pauvre. Tu savais tout ce que j'ai mangé pendant le déjeuner d'affaires. Ouais. Ouais, donc s'enfiler, c'est manger beaucoup une grosse quantité de nourriture. Je me suis enfilé tout un paquet de biscuits en regardant la télévision. Mais c'était pas la bonne chose à dire. Alors son père va lui en parler et lui dit « J'ai l'impression que tu t'en donnes à cœur joie ». Ici l'expression est « s'en donner à cœur joie ». Ça veut dire profiter à fond, s'éclater. Et ici avec quoi? Les notes de frais. Les notes de frais, c'est... C'est plus ou moins quand on fait des dépenses dans le cadre du travail. On garde les factures et on est remboursé par l'entreprise. Donc clairement, c'est pour le cadre des voyages d'affaires, des déjeuners d'affaires. Exactement, c'est ce qu'on a le droit de dépenser pour accomplir son travail. Tout à fait. Même, ça n'est pas seulement dans le monde de l'entreprise. Je crois que même les ministres ont des notes de frais. Oui, sûrement. Ouais. D'ailleurs, on le voit pas mal en Grande-Bretagne ici. Je sais pas si t'as vu, mais il y a un gros problème avec tous les ministres de la Chambre du Parlement qui faisaient des notes de frais énormes, énormes. Et ça fait un scandale maintenant en Grande-Bretagne. Mmh. Et ils sont presque obligés de démissionner. Et donc, ils faisaient rembourser, mais n'importe quoi. Ils se faisaient rembourser le prêt qu'ils devaient payer pour une maison de campagne, par exemple. Ouais, ils s'en donnaient à cœur joyeux aussi. Ouais, ils s'en donnaient à cœur chaud au niveau des notes de frais. Alors le fils, il a quand même un sacré tempérament, et il répond, ne commence pas à mégoter. Ne commence pas à chercher la petite bête à... Ouais, à faire des difficultés. Il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Donc son explication, c'est que s'ils veulent conquérir de nouveaux clients, il faut y mettre le prix. Ça coûtera ce que ça coûtera, quoi. Ouais, exactement. Leur en mettre plein la vue. Les impressionner. Ouais, les épater. Et en plus, quand même, comme c'est un dirigeant d'entreprise, il ne veut pas descendre dans n'importe quel trou à rat. Alors, on a le verbe descendre ici parce que un trou à rat, il part ici d'un hôtel. Mais un trou à rat peut désigner un endroit, un lieu qui est minable. Pas très haut de gamme. Ça peut être un appartement, une maison. Une chambre. Une chambre, exactement. Si vous visitez un jour des appartements et vous voyez un appartement qui est vraiment horrible, vous pouvez dire, mais c'est quoi ce trou à rat? Et donc, il dit descendre dans ce trou à rat, parce que ici, il parle d'un hôtel, et l'expression en français, c'est descendre dans un hôtel. Et donc, on dirait qu'ici, il n'est pas allé dans un trou à rat, puisqu'il est allé dans la suite royale du Hilton. Et donc, il s'en est vraiment donné à cœur joie, puisqu'il a pris un petit déjeuner pour deux au champagne. Il était sûrement avec sa femme ou sa copine, et évidemment, ça ne fait pas partie de ses attributions. Qu'est-ce qu'on entend par attribution ici? C'est ce qu'il est censé faire juste dans le cadre de son travail. C'est le rôle qui lui est attribué. Et sûrement pas aller prendre des petits déjeuners au champagne. Au Hilton. Il répond à tout, il dit que c'était simplement un petit extra, et il dit « Que veux-tu que j'y fasse ?» Donc attention, on a un subjonctif ici. Du verbe faire. Et donc, ce n'était pas sa faute. On dirait que c'est ses clients qui vont faire ce petit cadeau, qui lui vont faire la suite royale au Hilton. Évidemment, ils ne pouvaient pas refuser. Bon, je ne sais pas s'ils avaient offert le petit déjeuner au champagne également. Et je ne sais pas s'ils l'avaient offert pour deux. Enfin bon, encore une fois, ça ne nous regarde pas. Oui, apparemment, il est un peu déconnecté quand même. Ouais, et son père n'est pas content. Et il explique pourquoi. Il dit que la compagnie est au bord de la faillite et que normalement, ils avaient mis au point une nouvelle ligne de restrictions budgétaires. Donc une nouvelle gamme de mesures pour réduire les budgets, pour réduire les dépenses. Et sortir l'entreprise de la faillite. Voilà. Et relancer l'entreprise. Et alors le fils, il croit qu'il est le seul à diriger l'entreprise, puisqu'il dit « je suis le patron », comme s'il était patron tout seul. Et donc si des gens ne sont pas contents, il dit qu'ils prennent la porte. Encore une fois, un subjonctif présent. Du verbe « prendre », qui est une sorte d'invitation. Quand on dit qu'ils s'en aillent, qu'ils partent, qu'ils prennent la porte, qu'ils viennent. Oui, tout à fait, une invitation à faire quelque chose, et ça peut être positif ou négatif. Donc évidemment, son père, pas très content, dit « tu ne manques pas d'air ». On a un peu l'équivalent, si on peut dire « tu es gonflé ». Donc cette expression « ne pas manquer d'air ». Ça veut dire être assez osé. Exactement, ça veut dire avoir une attitude assez provocante. Et donc il va lui expliquer certaines choses, il va lui rafraîchir la mémoire. Et là, on découvre que le père est l'actionnaire majoritaire de la société. Ça veut dire qu'il a la plus grande part des actions. Oui, et que c'est lui qui prend les décisions finales. Voilà. Donc il dit à son fils, reprends-toi en main. Donc c'est se reprendre en main, ça veut dire reprendre contrôle de soi-même, se remotiver. Et... oui, changer d'attitude. Voilà. C'est mon dernier avertissement, oh là là. Mais bon, le fils, on dirait qu'il n'a pas trop peur de papa. Il est un peu rebelle. Ouais, et il va dire tout ce qu'il a déjà fait dans cette société. Il s'est occupé de la fusion-acquisition avec le groupe Mirlor. Et il a fait un appel de fonds qui a permis de rapporter plus d'un million pour un chantier en Normandie. Et là, on voit le verbe lever, parce que l'expression, c'est lever des fonds. Lever des fonds qui veut dire récolter de l'argent, récolter des fonds. Mais généralement, ça s'utilise avec le verbe lever. Oui. Et là, à nouveau, le père rafraîchit la mémoire de son fils et il lui dit « Tu n'as fait qu'achever un travail de longue haleine ». Donc c'est quoi, c'est un travail de longue haleine? C'est un travail qui n'est pas facile, généralement, et qui est étalé sur une longue période. Oui, c'est ça, ouais. Et donc le père, là, le remet à sa place. Il lui dit « Ne t'octroie pas le mérite du travail des autres ». Donc on a le verbe « s'octroyer ». Qui est équivalent de « s'approprier », le mérite du travail des autres. La réussite du travail des autres. Donc le père lui demande aussi d'y penser. Il lui tâche d'y réfléchir. Et en fait, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dit que maintenant, la petite réunion ici est terminée. Et ils se reverront le lendemain matin pour une réunion marketing. Voilà, que dans le laps de temps, il peut réfléchir. Et là, quand même, on voit que c'est le fils qui a... il a fini par comprendre. Ok, papa. On voit quand même qui est le chef ici dans l'entreprise. Donc, on réexpliquera un peu toutes ces expressions juste après qu'on ait réécouté le dialogue. On peut savoir ce que tu fais à bailler aux corneilles? Remue-toi un peu, on a du pain sur la planche. Hé, pourquoi tu me brusques comme ça? Je faisais simplement une petite sieste digestive. Si tu savais tout ce que je me suis enfilé pendant le déjeuner d'affaires... Justement, parlons-en. J'ai l'impression que tu t'en donnes à cœur joie avec les notes de frais. Tu peux m'expliquer la facture de 4 689 € du mois dernier? Oh là là, ne commence pas à mégoter. Si tu veux conquérir de nouveaux clients, il faut y mettre le prix. Leur en mettre plein la vue. Et je ne vais pas descendre dans n'importe quel trou à rat. Il y a une différence entre un hôtel respectable et la suite royale du Hilton. Petit déjeuner pour deux, champagne, cela faisait partie également de tes attributions ? Un petit extra, c'est tout. Que veux-tu que j'y fasse ? Mes clients ont insisté pour m'offrir ce petit cadeau. Je ne pouvais pas refuser. En attendant, la compagnie est au bord de la faillite. Et on avait validé ensemble une nouvelle ligne de restrictions budgétaires. Tu sembles avoir la mémoire courte. Je suis le patron et je fais ce que je veux. Si quelqu'un y trouve à redire, qu'il prenne la porte, je ne le retiendrai pas. Il ne manque pas d'air. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Je reste l'actionnaire majoritaire de cette société. Et les décisions finales m'appartiennent toujours. Reprends-toi en main, c'est mon dernier avertissement. On croit rêver. J'ai ma part de responsabilité dans la réussite de certains grands projets ici. La fusion-acquisition avec le groupe Mirlor, l'appel de fonds qui a permis de lever plus d'1 million pour le chantier en Normandie. Tu n'as fait qu'achever un travail de longue haleine préparé depuis longtemps par nos collaborateurs. Ne t'octroie pas le mérite du travail des autres, même si tu as également fait du bon boulot, je te l'accorde. Tâche d'y réfléchir et de continuer comme ça, au lieu de tout gâcher comme cela a été le cas dernièrement. Je te vois demain matin à 9h pour un point sur notre nouvelle stratégie marketing. Ok papa, compris. À demain. Donc attention, vous avez pu réécouter ici ce dialogue avec pas mal d'expressions. On va les reprendre une dernière fois pour vous, pour être sûr qu'elles soient bien enregistrées et que vous ayez bien compris. Alors la première qu'on avait, Marion, c'était quoi déjà ? Bailler aux corneilles. Donc ça veut dire rêvasser, c'est-à-dire ne pas faire grand-chose. On a cette expression parfois en cours, pas avec les cours de French Pod, mais les étudiants ne sont pas tellement intéressés par ce que le professeur raconte et leur prof leur dit arrêtez de bailler aux corneilles parce qu'ils n'écoutent pas, ils ne suivent pas la leçon. Tu fais ça ? Ça m'est arrivé. Alors après, on avait avoir du pain sur la planche. Donc avoir du travail qui nous attend. Ouais, quand on a une journée vraiment chargée de travail, on peut dire qu'aujourd'hui, on a du pain sur la planche. Quand on veut faire beaucoup de choses. L'expression suivante était s'en donner à cœur joie. Ah, donc s'amuser beaucoup, profiter à fond du moment présent. Donc cet été, si vous partez en vacances, j'espère que vous aurez la possibilité de vous en donner à cœur joie. Moi aussi. Parlez pour les auditeurs, Marion. Nous, on travaille tout le temps, pas de vacances à FrenchPod. Alors, quatrième expression, c'était en mettre plein la vue. Généralement, c'est dépenser beaucoup d'argent, faire des choses assez ostentatoires. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple pour dire en mettre plein la vue ? Est-ce que tu peux pas nous citer un exemple où des garçons ont essayé de t'en mettre plein la vue, ils t'ont invité, ils ont essayé de t'en mettre plein la vue en sortant avec toi ? Oui, bien sûr, par exemple, quand si un garçon m'invite au restaurant, dans un restaurant très chic, ensuite il dit on va boire un verre, attends, c'est bon, j'ai ma voiture. Ouais. Il essaie de montrer qu'il a plein d'argent et que c'est pas un problème pour lui, qu'il en met plein la vue. D'accord. Ça marche généralement quand ils font ça ? Non, c'est too much. Alors, on avait également dans le dialogue reprends-toi en main, c'est mon dernier avertissement. Donc on a l'expression se reprendre en main, qui veut dire reprendre contrôle un peu de sa vie et de son comportement. Si par exemple on travaille pas bien à l'école et qu'on a des mauvaises notes, au bout d'un moment le professeur dit reprends-toi en main, mets-toi au travail, ensuite tu pourras te remettre à niveau et repartir sur les bonnes bases. Ensuite on arrive à la fin du dialogue et dans la dernière réplique du père, il parle d'un travail de longue haleine. Qui est généralement un travail qui n'est pas facile et qui prend beaucoup de temps, qui est allé sur une longue période. Ouais. Par exemple, apprendre le français est un travail de longue haleine. Et donc ici, quelque part, vous avez quand même un travail de longue haleine avec cette leçon qui n'est pas facile, mais très intéressante, vraiment très riche, qui comprend des expressions qui sont utilisées vraiment très très fréquemment en français et qui, en plus, nous a permis de découvrir du vocabulaire qui concerne le monde des affaires. Tout à fait. Concernant ce monde des affaires, il y a peut-être encore du vocabulaire que vous désirez connaître, donc n'hésitez pas à nous poser une question, à laisser votre commentaire sur la page de discussion. On sera ravis d'y répondre. Sur ce, comme dans le dialogue, Marion. Compris, à demain. Compris, à demain. Salut à tous. Au revoir.